Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal. Nécrologie à la une de l'actualité nationale. Le président burundais Pierre Nkurunziza est mort l'avant-midi de ce lundi suite à un arrêt cardiaque. Il avait été admis à l'hôpital du cinquantenaire Natu Turashoboye de Karuzi la nuit de samedi à dimanche. Dans un communiqué du secrétariat général du gouvernement, le gouvernement du Burundi annonce un deuil national de 7 jours à partir d'aujourd'hui et adresse ses condoléances à la famille et au peuple burundais. Suivez les autres précisions du secrétaire général et porte-parole du gouvernement dans une déclaration qu'il vient de faire pour la triste circonstance. Prosper Nahugwami. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Alors qu'il avait passé l'après-midi du samedi 6 juin 2020 à assister à un match de volleyball en Ngozi, c'est pendant la nuit du 6 juin 2020 allant vers le dimanche 7 juin 2020, que son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Karusi pour se faire soigner. Il a été reçu en hospitalisation pour état de malaise. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. À la très grande surprise, dans l'avant-midi du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient. Le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus émues au peuple burundais en général et à sa famille très éprouvée en particulier. Le Burundi vient de perdre un digne fils du pays, un président de la République, un guide suprême du patriotisme national. Que Dieu Tout-Puissant ait son âme. Comme il a été un exemple pour tous les Burundais, de quelqu'un qui aime et respecte Dieu, le gouvernement de la République du Burundi demande au peuple burundais de rester calme et serein et d'accompagner son Excellence le Président de la République avec beaucoup de prières. Le gouvernement de la République du Burundi annonce qu'un deuil national est ouvert pour 7 jours à partir d'aujourd'hui. Durant cette période, les drapeaux seront mis en berne. Les livres de condoléances sont ouverts au palais présidentiel Ntare-Rushatsi pour les Burundais ainsi que les représentants des missions diplomatiques et consulaires accrédités au Burundi. Pour les Burundais ou autres personnes vivant à l'étranger, les livres de condoléances sont ouverts dans les missions diplomatiques et consulaires du Burundi. La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. Fait à Bujumbura le 9 juin 2020, le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement. C'est Prosper Nahurguami et nous reviendrons sous peu sur le parcours de ce président Nkurunziza décédé à l'âge de 55 ans. Mais avant cela, début ce mardi du concours national pour les élèves de 9e année fondamentale, un concours donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Eh bien, ce concours se termine le 11 courant et plus de 94 000 élèves sont attendus à ce test, dont 20 vivants avec handicap. Plus de 8 000 candidats, y compris les malvoyants et les malentendants, sont en train de passer le concours national, donnant accès à l'enseignement post-fondamental dans la direction provinciale de l'enseignement à Gitega. Et là où notre reporter est passé, ce concours s'est passé dans 119 centres de passation avec 300 surveillants. À mairie de Bujumbura, notre reporter a fait le tour de quelques établissements scolaires. Il a constaté un des constats qu'il a fait, c'est le respect des mesures d'hygiène contre le coronavirus. Et depuis la commune Bukeye, la ministre de l'Éducation, Janvier Ndirahisha, a appelé les élèves à éviter toute tricherie et aux surveillants de faire preuve de professionnalisme. Suivez la ministre Janvier Ndirahisha. Nous avons constaté que les élèves étaient à l'heure, mais aussi les enseignants surveillants et même des personnes qui sont venues du ministère pour superviser le concours ici à Boukéye. Encore, nous avons salué leur tenue. Ce sont vraiment des élèves de la 9e, tout en espérant qu'à travers tout le pays, tout le monde est venu faire ce concours en tant qu'élève, c'est-à-dire qu'il a respecté le règlement scolaire en vigueur. Nous profitons alors de cette occasion pour d'abord leur souhaiter bonne chance, mais aussi de leur rappeler qu'ils ne sont pas autorisés à tricher. Et surtout les enseignants surveillants, parce que nous avons constaté dans certains coins du pays qu'il y a des enseignants surveillants qui laissent les élèves tricher, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur déontologie professionnelle. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux élèves candidats au concours qu'ils doivent terminer les examens pour les cours qui ne sont pas sujets du concours, mais aussi qu'ils restent élèves, c'est-à-dire s'ils échouent au niveau de l'éducation ou s'ils ne font pas des examens supplémentaires, que le concours sera annulé. Je demande aux enseignants d'être des enseignants. Ils savent les consignes de comment surveiller, qu'ils les respectent. De manière générale, ils doivent respecter leur déontologie professionnelle. Je profite aussi de cette occasion pour rappeler aux enseignants, parce que nous avons constaté qu'il y a des manquements graves. Nous avons constaté dans certaines écoles qu'il n'y a pas de copies pour les interrogations, qu'il n'y a même pas les copies pour les examens. Mais surtout, les jeunes filles ont des points sans trace. Et à ce moment-là, on se demande comment elles ont eu des points alors qu'on ne retrouve pas ni les copies. L'élève est appelé à étudier et l'enseignant est appelé à bien enseigner pour que les élèves puissent mériter la note obtenue. La ministre Janvière Ndira Hicha en charge de l'éducation et 5 enseignants du lycée Boubanza dans la province de Boubanza ainsi qu'un ancien directeur de cette école ont été arrêtés ce lundi par la police sur ordre du parquet de Boubanza. Ils sont détenus à la prison de cette province avec 2 élèves, dont une fille qui avait été retrouvée ligotée le matin de samedi dernier. Au parquet de Boubanza, on explique qu'ils ont été arrêtés pour enquêter sur l'enlèvement de cette fille. Et c'est au moment où les familles de ces détenus parlent de pire montage et demandent leur libération. La coordination des moyens de communication sur le plan national de développement 2018-2027, PND en sigle, dans le but d'atteindre la population à la base, permettra à celle-ci de s'en approprier. C'est ce qu'indique Yves Ndaïkunda, expert en communication et l'un des concepteurs de la stratégie nationale de communication en appui au PND. Le ministre de la Communication qui a ouvert les travaux de validation du document de cette stratégie dit que l'étape suivante sera l'adoption de cette stratégie au niveau du gouvernement, suivra l'adaptation de cette stratégie au niveau sectoriel dans tous les ministères. Armel Motore. Lors de l'atelier de validation du projet de stratégie nationale de la communication pour le développement en appui au plan national de développement 2018-2027 du Burundi ce mardi, le ministre de la communication Frédéric Nahimana, qui a ouvert les travaux de cet atelier, a annoncé qu'après la validation de cette stratégie, suivra l'appropriation de cette stratégie par différents partenaires. Nous venons de faire la validation du projet de stratégie nationale de la communication pour le développement en appui au PND. Et l'étape suivante et d'abord l'intégration des différentes recommandations faites par les participants dans cet atelier. La deuxième étape, c'est l'organisation d'un atelier d'appropriation des différents partenaires de cette stratégie de la communication pour le développement pour que ces derniers s'en approprient, s'en imprègnent et parviennent à vulgariser cette stratégie. Et la troisième étape, après avoir intégré les différentes recommandations, c'est d'amener cette stratégie au niveau de la table du gouvernement pour amendement et pour validation également. Et après, c'est finalement la mise en place des organes pour la mise en œuvre de cette stratégie de communication pour le développement en appui au PND. Yves Ndaïkunda, expert en communication et l'un des consultants ayant travaillé pour la conception de cette stratégie, dit qu'il faut une coordination des moyens de communication pour toucher toute la population et permettre à celle-ci de s'approprier de cette stratégie. Il y a une pluralité de moyens de communication. Des traditionnels, non traditionnels, avec le TIC aussi sans le négliger. L'aspect le plus important, c'est l'intégration de ces outils, de ces moyens de communication, de manière complémentaire. Il n'y a pas un seul moyen qui puisse être en mesure de toucher toute la population burundaise. C'est le sens de la complémentarité entre les moyens de la communication. Mais également, on a insisté sur les radios communautaires pour relayer les messages de développement, du fait qu'ils peuvent contextualiser ou bien même adapter le message dans le jargon ou le langage qui est compris par les communautés qui sont ciblées par les projets du PND. L'élaboration de cette